À toi, à toi, passant, à tous les cassés, ceux de la petite vie rough, à ceux qui le savent et à ceux qui font semblant de rien, à toutes les belles filles, celles des magazines, puis toutes les autres, à tous ceux qui rêvent en se levant le matin que la neige tombera pas, que le monde changera, que leur vie, ce sera plus la même, à tous les sensibles, ceux qui pleurent en regardant une affaire quétaine à TV, puis ceux qui se raclent la gorge, qui ferment les yeux en disant « Pitié ». Ceux qui tinquent, ceux qui fument des joints, ceux qui regardent la mer, puis le soleil, les fous, les romantiques, les révoltés. Ceux qu'on n'a jamais assez, ceux qui rêvent de vagues de 50 mètres et de combats à cheval avec une épée. À tous les gogos de l'espace et de la terre, à vous tous que je ne connais pas, je vous dis, tout va bien se passer. Ça va aller, on va le faire, notre palais, un Christ de beau palais. Il y aura à boire et à manger. Ce sera le pays rêvé, le palais des cassés. Avec juste un nom sur la porte, le palais des cassés. Le temps y est arrivé pour éclairer de la petite lumière le monde qui a arrêté de rêver de la lumière des cassés.